Pendant la belle saison, il survient parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau. Pour tous travaux de construction ou rénovation après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS, de vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence 24 heures sur 24, nettoyeurs d'air et de conduite de ventilation. Pour rejoindre les pros de ProNet, 418-679-4178. Monsieur Régent Côté souhaite la meilleure des chances aux équipes qui participent au championnat québécois de vélo de montagne, ainsi qu'à la Coupe du Québec de vélo de montagne. Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831 poste 27. Vous désirez vous évader au cœur de la nature, vous endormir au pied des chutes, en couple ou en famille, et ce, avec tous les services compris? Visitez lechutealour.com et découvrez le site touristique de la Chute Alour, notre camping nature au cœur du lac Saint-Jean. Le club du Mille du secteur de Dolboom-Sassigny a fait dernièrement sa sélection en vue des Jeux du Québec qui seront présentés à Thetford Mines. C'est question de savoir un peu comment ça s'est passé, s'il y a beaucoup de délégations du club du Mille. On en parle avec Pierre-Luc Ménard. Salut Pierre-Luc. Salut Dan. Pierre-Luc, comment ça s'est passé du côté de la sélection des Jeux du Québec? Ben, ça a super bien été, on est très contents. On sait que notre club, là, c'est un jeune noyau qui grandit. Puis, ben, on a quand même 6 athlètes de catégorie cadette en plus. Donc, c'est même pas des juveniles. Là. Ils ont 14-15 ans puis ils ont été sélectionnés. Donc, on a Gabriel Lamontagne au 2000 mètres people. Sarah-Jeanne Simard et Caroline Dufour aux 3000 mètres marche. On a Maïka Pelcha, Anaëve Goulet au sprint. Puis on a Mireille Mathieu qui va y aller aux 800 mètres ou 3000 mètres. On est très heureux. Okay. Très contents de leur performance. Est-ce que c'est quand même... C'est une jeune équipe, je pensais. C'est une jeune délégation, hein? Très jeune. Je dirais qu'au niveau régional, là, en athlétisme, là, on n'a presque pas de juvénile, 16-17 ans. Je dirais que la moitié, si c'est pas plus... De la délégation régionale des Jeux du Québec va être de catégorie cadette. Donc, on a vraiment, là, présentement, un trou, si on peut dire, un manque d'athlètes juvéniles, mais les cadets, ils prennent la relève. OK, OK. Dis-moi, il y avait Elisabeth Simard également qui était en action en fin de semaine à Toronto. Oui, à Ottawa pour Elisabeth. Les championnats Ottawa, canadiens, c'est beau. Oui, effectivement. Championnat canadien d'athlétisme. Elisabeth revient d'une blessure de longue date quand même, 2 mois arrêtée. Donc, Elisabeth a été vivre une belle expérience là-bas, puis étant faisant partie du groupe là, relève de la fédération, avait pas vraiment le choix d'y aller et de participer à ce championnat canadien-là. Malgré sa blessure, là, Elisabeth a quand même fini le 5 km en 29-35, donc nos objectifs c'était faire en bas de 30 minutes. Très heureuse, elle a quand même aussi couru, marché avec les meilleurs au Canada, là, dont des Olympiens. Puis peut-être des chances de sélectionner pour l'équipe canadienne là, au duel de marche États-Unis-Canada junior qui va avoir lieu à Toronto en août. On devrait avoir des nouvelles là, d'ici quelques jours. OK, OK. Il y a également, ce qui est pas mal aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a les provinciaux en fin de semaine. Oui, provinciaux. Fait qu'on part avec une jeune délégation en fin de semaine, beaucoup de Benjamins. On va être 7 jeunes qui... Okay. Viennent avec nous, puis dans ça, il y a beaucoup de jeunes que ça va être leur première expérience. Donc, on est bien contents, on a de la relève, puis les jeunes veulent essayer. Fait que nous, on est bien contents, on monte avec eux autres vendredi, puis ils vont compétitionner samedi dimanche. OK. Ça a l'air pas mal dynamique, hein, Pierre-Luc. Hein. Ça a l'air d'être reparti vraiment. Là. Je vois toutes les. Je vois actuellement toutes les. Ce qui se passe actuellement sur les médias sociaux. Vous semblez vraiment être d'attaque, hein. Vous semblez avoir un beau groupe aussi. Oui, ben, on a un groupe de jeunes. Qui aiment ça, en fait, là, qui viennent entraînement après entraînement. Puis je pense qu'on a un beau mix là de récréatif puis de plus à, je dirais, compétitif. Puis je pense que tranquillement, nos récréatifs qui viennent juste courir pour le fun, ben veulent vivre l'expérience, on peut dire, des compétitions. Fait que ça fait que tranquillement, là, ça fait comme s'intégrer. Puis un beau petit noyau, là, je dirais dans une 15, 10, 15, 20 jeunes tout le temps. Fait que c'est le fun, on est content. OK, OK. Donc, évidemment, c'est pas mal le fun aussi. Du côté bénévole, c'est-tu facile à trouver? Ben, on a beaucoup de parents impliqués. Les parents viennent voir les jeunes. Fait que si on a besoin de gens là, pour donner des temps ou quoi que ce soit, on est là. Sinon, ben, Yann Tremblay puis moi, On est vraiment les deux là, qui chapeautent ça. On a aussi Anne-Gabrielle Deschaine qui a commencé à nous aider cette année, qui nous donne un grand coup de main. Fait que tranquillement, on essaie d'emmener des jeunes à embarquer dans le relais, parce que c'est sûr que l'athlétisme qu'on veut ou non, là, c'est à l'année. Là. C'est 12 mois par année, puis c'est beaucoup de temps. Là. Alex, vous avez aidé Alex Bussière cette année? Ben Alex cette année, non, parce que il est plus dans son mode ouais. athlète aussi, là. Fait que puis il y a aussi son club là-bas à Québec. Fait qu'Alex, il nous a un peu starté à redécoller ça, mais je pense que de son côté, là, il vole de ses propres ailes, puis il fait bien la job aussi là-bas. Je pense qu'il a commencé à avoir des bons coureurs, des bons marcheurs. Fait qu'il vit sa vie d'athlète aussi. Fait qu'on est, on lui souhaite bonne chance. On est bien content pour lui. OK. Pierre-Luc Ménard, on s'en reparle, puis tiens-moi au courant des résultats. C'est beau, merci. Pierre-Luc Ménard du Club du Mille, secteur de Dolbeau.